Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de l'animation, de la mise en onde, du choix musical et de la recherche. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale parce que Rock de Neurones, ben, il souffle ses quatre chandelles car ça fait 4 ans que l'émission est en onde. En fait, tout ça a débuté en février 2013 et nous voici maintenant 148 émissions plus tard et 1677 pièces musicales différentes qui, mises bout à bout, totalisent 9 jours de musique sans interruption. Alors, on se souhaite un autre 4 années, mais on va faire comme depuis le début, c'est-à-dire une émission à la fois. Et tant qu'il y aura des artistes prog émergents, ben, je serai au poste et plus que 4 ans s'il le faut. Alors, je salue Denis Marchand, qui est un collaborateur depuis la première émission. Il a été rejoint quelques mois plus tard par Robert Blanchette. Ces deux personnes-là, ben, à chaque semaine, ils me donnent du feedback sur ce qui leur plaît et leur plaît pas de façon systématique, semaine après semaine. C'est ce qu'on appelle de l'amélioration continue parce que ça contribue à ce que je raffine le produit. Ce sont des purs amateurs de prog comme moi et je me fie beaucoup sur leur connaissance musicale. On a eu aussi, dans le même genre, il y a eu les frères Noël et Louis Douville qui ont participé à cet exercice là, pendant plusieurs saisons. Je voudrais aussi saluer tous les auditeurs, anciens ou nouveaux, qui partagent mes goûts de la musique prog. Dans le fond, ma mission, c'est de les satisfaire. Alors, on débute ça. En fait, aujourd'hui, à l'émission, on aura quelque chose d'assez varié. On aura Solar Wind d'Israël, Fido des États-Unis, Paradigm Shift d'Angleterre, Collage de Pologne. Nous revenons avec La Bocca della Verità d'Italie. On aura Porcupine Tree d'Angleterre. Et en conclusion de l'émission, bien, on a une demande spéciale d'un fidèle auditeur de Bécancour, Denis Guillaume, qui m'a proposé un groupe italien que je ne connaissais pas. Le groupe s'appelle Malahavia. Malahavia. Alors, on aura quelques extraits de l'album Danze d'Incenso qui est paru en 2005. Alors, on débute ça avec la formation israélienne Solar Wind. C'est un nouveau groupe avec un nouvel album. L'album s'intitule Mind Glow et on va entendre la pièce Lose Control. Et ça sera suivi de Fido. Fido qui a 10 albums studio à son actif. Et la pièce qu'on va entendre, bien, c'est extrait du 8e album qui drôlement s'appelle Number 7. Et ce qu'on va entendre, c'est Waiting for the Axe. The axe to fall, waiting for the axe to fall. Alors, on débute ça avec Solar Wind. Thank you. Yeah. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, juste avant la pause, nous avions Fido des États-Unis avec la pièce « Waiting for the Axe to Fall ». Et ça, c'est extrait de l'album « Number 7 » qui est paru en 2009. Et auparavant, on avait la formation d'Israël « Solar Wind » et la pièce de « Loose Control ». Et ça, c'est extrait de leur seul et unique album qui est paru en 2016 « Mind Glow ». Au deuxième bloc, nous avons une formation britannique du nom de Paradigm Shift. C'est un nouveau groupe et leur premier album est paru à l'automne. L'album s'intitule Becoming Aware. Ce sont quatre musiciens de formation avec des ascendances, si on pourrait dire, de Dream Theater, Rush ou Opeth. En tout cas, vous allez juger par vous-même. Et on va suivre ça avec formation polonaise Collage qui a eu 5 albums studio entre 1990 et 1995. Et on va entendre la pièce titre de l'album Moonshine. Alors, on débute ça par Paradigm Shift. It's an ugly part of our history. This word dictatorship can be a heck of a lot easier. Day slaves. Fighting for their liberty and freedom. Fighting for their freedom. Fighting for their freedom. We'll be right back. Drugs. right. How can they tell us not to be free? Free from desire. Down to one earthly depths, relinquishing life, but with our last breath, we'll awaken them all, for them Thank you. said my dreams come true. I said it all to you. I always will remember this moment of you. You took my hand. I said my dreams come true. I said it all to you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant de débuter le troisième bloc, on va faire un petit retour sur ce qu'on a entendu avant la pause. Eh bien, c'était de Pologne, la formation Collage, et on a entendu la pièce titre Moonshine de l'album Moonshine, c'est-à-dire. Et ça, c'est paru en 1994, et en début de bloc, nous avions Paradigm Shift, une formation britannique, avec Revolutionary Cure, et c'est extrait de leur seul album qui est paru en 2016, Becoming Aware. Au troisième bloc, nous aurons un bloc consacré exclusivement à la formation italienne La Bocca della Verità. C'est un groupe qu'on a entendu à quelques occasions depuis la sortie de l'album Avenot, et on aura aujourd'hui deux pièces extraites de cet album-là, Perduto Avenot et La Suite dei di Planeti. Alors, voici la Bocca della Verità. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, ceux qui étaient avec nous avant la pause, vous avez entendu deux extraits de l'album Evenot de la Boca de la Verita. Ça, c'est paru en fin d'automne 2016. Et c'est le premier album d'une longue suite, je suppose, de ce fameux groupe italien. Alors, quatrième bloc va commencer avec une pièce de Porcupine Tree. La pièce, c'est Dark Matters, c'est extrait de Signify, paru en 1997. Et ça va être suivi de quatre pièces extraites de l'album Danze d'Incenzo. Ça, c'est une demande spéciale de Denis Guillaume de Bécancour qui m'a fait connaître le groupe qui est du nom de Malavia. C'est un groupe formé de cinq musiciens qui ont trois albums entre 2004 et 2014. Celui qu'on va entendre, bien, c'est l'album initial, le premier album, Danze d'Incenzo. Je rappelle que les cinq musiciens sont accompagnés d'une douzaine d'artistes invités, dont Lino Veretti, qui est le chanteur de Hosanna. Alors, on y va tout de suite avec Porcupine Tree, et ça sera suivi de Malavia. Inside the vehicle, the cold is extreme. Smoke in my throat kicks me out of my dream. I try to relax, but it's warmer outside. I fail to connect, it's a tragic divide. Thank you. Sacerdoti ti dicono di correre, correre ai facili traguardi vicini. Thank you. nel giardino della mezzaluna fertile, prigionieri di un pensiero mistico, gli uomini in atteggiamento di preghiera spargono violenza in nome di Allah. Schiave delle assurde tradizioni, senza un volto e senza dignità, rese impotenti dal nome di Allah. Sera, quando si entra nella preghiera, quando è chiuso rindo cuore sul rispetto Ramadan, quando sotto sole non si sente più calore, quando non ci sta una santa che potesse aiutare, quando musulmana mette a porto cristiano, pure quando se sa Dio non lo fanno più parlare, quando l'uomo non potente fanno accidere sta gente, quando la gente a casa accide non volesse fa, quando viene la sera, quando si entra nella preghiera, quando è chiuso rindo cuore sul rispetto Ramadan, quando sotto sole non si sente più calore, quando non ci sta una santa che potesse aiutare, quando il musulmano mette a porto cristiano, pure quando si sentia non lo fanno più parlare, quando l'uomo non potente fanno accidere sta gente, quando la gente casa accide non può essere fa. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est une formation italienne, Malavia, et c'est grâce à Denis Guillaume qui nous a fait connaître ce groupe italien des années, en fait, du début des années 2000. Et on remercie Denis pour nous faire découvrir des choses intéressantes. Et bien, ceci met fin à la programmation musicale de cette 148e émission de Rock de Neurones. Avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches matins de 10h à midi, ainsi que les mercredis de 11h à 13h, toujours sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. De plus, l'émission est disponible sur Internet via SoundCloud. Pour y accéder, vous n'avez qu'à taper Rock de Neurones dans la barre de recherche. Et si vous désirez connaître les détails exacts concernant les pièces, les albums et les artistes qui ont passé durant l'émission, bien, vous pouvez consulter la page Facebook de Rock de Neurones. Et sur cette même page, vous aurez aussi un lien qui vous amènera à plus de 75 émissions archivées. Alors sur ce, c'est Jimmy Farley qui vous invite à passer une belle semaine et à nous revenir la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.